impossible. Un parfum de cyprine accroché à ses lèvres, tu te jetteras sur elle. Dans tes rêves érotiques, tu finiras cynique.